13-31, activation orale, apparence et simulation. Complétez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Il n'est pas malade. Et vous dites. Mais il fait semblant d'être malade. Allons-y. 2. Ils ne comprennent pas. Mais ils font semblant de comprendre. 3. Nous ne comprenons pas. Mais nous faisons semblant de comprendre. 4. Il ne tombe pas vraiment. Il fait semblant de tomber. 5. Il ne la connaît pas. Il fait semblant de la connaître. 6. Elle n'est pas vraiment pressée. Elle fait semblant d'être pressée.